rire. Pas parce que j'ai plus rien à dire, mais parce que j'ai envie de fuir cette vie que je commence à haïr. Triste à dire, triste à décrire. Donc feuille sur feuille, je déchire, je m'enfonce là-dedans sans réfléchir. Maudire son passé, son présent, son avenir. Comme un con, saboter tout seul son navire. Je suis comme paumé au milieu de l'océan. Rien derrière, rien devant, c'est badant. Mais je continue de ramer en espérant que le décor va j'ai chance sans non plus vouloir finir un jour sur les champs. Juste voir un futur alléchant. Partant de là, j'avance droit devant. Mais pour l'instant, je suis dans l'illusion. Trop de confusion autour de moi, trop de contradictions. Dégoûté de se lever le matin, mais faut bien faire des rondes. J'ai un taf, mais j'ai envie de tout laisser béton, bétonné, ancré dans mes convictions. J'arrive quand même à douter dans le fond. Fonce dès du matin au soir, avec ou sans bédo, paumé dans le noir. Sans GPS, gère incognito. J'évite la CC, le comico. Comicoseur perdu, perdu quand j'ai bu. Sans soif, sans but, trou du cul. Crois pas que j'ai tout vu, en fait tout ce temps qu'on est, on a peu vu. C'est en partageant nos expériences que peut-être un jour on verra le dessus. Déçu par le manque de mixité, par notre incapacité à se parler, notre facilité à tous se préjuger, avancer, tous tête baissée. Moi j'ai décidé de la relever, esquiver ceux qui veulent m'écraser, m'éloigner de ceux qui veulent me baiser, baiser système jusqu'à m'éloigner de ce pays taré. Pour aller où? J'en ai aucune idée. Est-ce mieux ailleurs? Je sais pas, mais au moins laissez-moi vérifier. Moi, la seule motivation qui me reste, c'est d'ailler. Aucune envie de me poser dans leur jeu, j'ai pas envie d'entrer. Une femme, trois enfants, un chien, une truquière dimanche à la télé. C'est pas un jugement, seulement c'est pas ce que j'attends. Seulement, je sais pas ce que j'attends, donc c'est facilement que je vois le néant. Je suis sûr, je pourrais le toucher juste en me penchant. Heureusement, j'ai quelques personnes qui me barrent passage. Petit message pour ceux avec qui j'évite le naufrage. Tu sais, même avec un bon entourage, la solitude peut faire des ravages, causer de vrais dommages. Et c'est dommage que ça puisse arriver, même en soirée, entouré. Désolé, j'étais en train de scotcher. À vous, toi qui sais, t'as capté de quoi je veux parler. Vas-y, redescends, s'te plaît, j'ai pas terminé. Je veux causer à tous ceux qui de mes textes et des autres vont rien capter, analyser sans comprendre mes pensées. À ceux qui vont mal parler, critiquer, jalouser. Ceux qui vont cataloguer d'entrée de jeu mes idées. À vous, j'ai envie de dire allez-y, continuez, ça motive. C'est en partie ça qui me fait avancer. Voilà, encore une thérapie lyricale, encore une feuille sur laquelle ma vie s'étale de façon véritable.